Yeah. It's a remix. Lady Sovereign, Rico, Pep, Menta, Time. UK on the way now, give him a beat. Like, on your lips. Oh, it's so sexy the way I drop hits. Steven Bars, winter, I make you feel blitz. Now, shh, a little bit of hush for the midget. Yeah, mate, it's a takeover. Biggity wow, it's getting closer. I write my bars, then I crash out on the stone. For my head still hurting, I ain't even sober. I'm as skinny as a big pen. I got dash out school, so what? That makes me fit then, nah. Have you seen a Bible written? And none of my writs have ever been bitten. Cause my shit ain't edible, I'm similar to Hulk. I'm really incredible, UK Yankee flows are not sellable. So I keep it UK real, that's credible. Gyal, them, freaks, man, them, everybody get one. I get random, gyal, them, freaks, man, them, everybody get one. Ça t'attise la rage d'un subconscient hermétiquement qu'éclos ou macéré dans l'injustice. Même si SKA on distribue ses vices, de London à Rouen City résonne le sens indice. Fils glisse ma plume sur cette feuille qui s'enfume. Faut attendre la vérité, contre politique lacune. J'ai qu'une seule envie, qu'une seule ambition instantanée. T'attends nos grosses têtes sans rémission. Unique mission, brailler le lamentable. Éviter de se faire manger en claquant le poing sur la table. Une petite prison, trop petite pour les cafards. Du FN qui en bricade une jeunesse devenu instable. On n'a plus le temps, une révolution comme argent constant. Car ici c'est manque de maille qui nous flingue à bout portant. On n'a plus le temps, une révolution comme argent constant. Car ici c'est manque de maille qui nous flingue à bout portant. Yeah, vas-y. Now bring it back. Gyal them, freaks man them, everybody get one. I get random, gyal them, freaks man them, everybody get one. Je vais parler un petit peu du scat. C'est un style de façon de chanter en jazz qui est, à mon avis, peut-être à l'origine du rap. D'accord. Au travers toutes sortes de transformations. D'accord. Bon, bah, on va essayer de voir tout ça, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est...